Depuis plus de 20 ans, les scientifiques s'attellent à décrire avec autant de précision que possible les points de bascule, ces seuils critiques au-delà desquels certains systèmes naturels se réorganiseraient sous l'effet du changement climatique. Forêts amazoniennes, calottes glaciaires, pergélisols ou encore courants océaniques constituent quelques-uns de ces systèmes qui, soumis au changement climatique, peuvent se transformer au point de franchir des seuils de façon irréversible, entraînant des réactions en chaîne encore difficiles à modéliser. A-t-on déjà franchi certains points de bascule? Comment les modéliser et quelles conséquences aurait le franchissement de ces seuils? C'est à ce défi scientifique et climatique que nous allons nous dédier aujourd'hui. Climat, quand tout bascule, c'est la question des seuils que nous allons nous poser dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de l'étude scientifique de ces points de bascule climatiques, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en studio Julie Dehaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes océanographe, physicienne, chercheuse CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Nous sommes également en ligne avec Jean Jouzel. Bonjour. Bonjour Antoine Beauchamp, bonjour Julie. Vous êtes climatologue et glaciologue, directeur de recherche émérite au CEA et ancien vice-président du conseil scientifique du GIEC. Vous êtes par ailleurs co-auteur avec Baptiste Denis du livre « Climat, parlons vrai » aux éditions Les Pérégrines. Mais avant d'entamer notre conversation, il est l'heure de retrouver celle qui scrute l'actualité scientifique dans ses moindres changements. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude de cas rarissime parue dans la revue Annals of Internal Medicine. Une patiente séropositive a guéri du VIH sans traitement. Et depuis le début de l'épidémie de VIH, c'est la deuxième fois que cela se produit. Il y a eu le patient de Berlin en 93 et le patient de Londres en 2003 qui ont guéri du VIH, mais à la suite d'une greffe de cellules souches. Ce n'est pas le cas de cette femme. Cette étude, c'est la description d'un cas clinique, de celle qu'on appelle la patiente Esperanza. Une jeune femme qui vit en Argentine et qui a été diagnostiquée par hasard en 2013. Elle n'a depuis jamais pris de traitement antirétroviraux, sauf lors de sa grossesse. Alors on sait que le virus un peu se cacher et qu'il persiste dans ce qu'on appelle des réservoirs viraux. C'est pour ça que les patients séropositifs prennent des antirétroviraux toute leur vie et s'ils arrêtent leur traitement, ils redeviennent vulnérables et contagieux. Il se trouve que cette femme a éliminé spontanément son réservoir viral. C'est ce qu'on appelle une élite contrôleur qui contrôle la multiplication du virus. Olivier Schwartz est directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur. La question là qui est posée, c'est comment cette personne arrive spontanément à contrôler l'infection, comment est-ce qu'elle est une élite contrôleur, et est-ce qu'il y a du virus quelque part dans son organisme. Donc c'était partir à la recherche du réservoir viral. Et donc là, les chercheurs ont étudié sur plus d'un milliard de cellules, de globules blancs de cette personne, qui ont été prélevées. Et on a essayé de faire ce qu'on appelle un viral outgrowth essay, c'est-à-dire sortir du virus infectieux pour savoir s'il existe ou s'il y a quelque chose de particulier chez cette personne au niveau génétique elle-même, par exemple, est-ce qu'elle est naturellement résistante à l'infection. Et en fait, ils n'ont pas pu isoler de virus infectieux. Et lorsqu'ils ont séquencé, il y a eu très peu de séquences, donc il y a un fifrelin de virus qui est détecté, mais c'est du virus dit défectif. Donc cette personne, pour une raison qui n'est pas encore complètement comprise, a été infectée ou est infectée par ce qu'on appelle un génome, un viral défectif. Et donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas besoin de traitement antirétroviral. Le cas de personnes guéries de cette façon se compte sur les doigts d'une main. Donc ce sont vraiment des exceptions. Et donc en termes de recherche vaccinale, effectivement, si on arrive à éliminer tout le virus dans le réservoir, le virus qui a la capacité de se multiplier, on pourrait espérer obtenir également une guérison fonctionnelle. Ils ont essayé de suivre la présence d'une immunité antivirale, que ce soit des cellules tueuses, des cellules natural killer, des lymphocytes CD4 spécifiques du VIH. Donc ils montrent effectivement la présence de cellules T mémoire CD4 et CD8 contre HIV P24, donc contre un des composants du virus. Donc ça veut dire que l'organisme, le système immunitaire, à un moment a vu le virus. Ces cellules qui sont présentes, est-ce que ce sont celles qui ont permis le contrôle de l'infection, l'élimination du virus infectieux en lui-même, c'est difficile de le savoir. Ce sont des cas rarissimes qui se comptent sur les doigts d'une main, et donc comprendre ce qui se passe chez ces personnes qui ne représentent pas la majorité des cas est très intéressant pour voir comment on peut contrôler naturellement l'infection. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous pouvez aussi réécouter ce journal et l'émission en entier sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé paru hier, à l'échelle mondiale, le tabagisme recule. Chaque année, le tabac tue environ 8 millions de consommateurs et 1,2 million de fumeurs passifs. Alors, selon ce quatrième rapport de l'OMS, en 2020, la planète comptait 1,3 milliard de fumeurs, soit 22,3% de la population mondiale. Des chiffres encore élevés, mais c'est 20 millions de fois moins qu'en 2018. Selon l'OMS, si les politiques de lutte contre le tabac sont maintenues, la consommation de cigarettes devrait encore reculer jusqu'en 2025. La région de l'Asie du Sud-Est est celle avec les plus forts taux de tabagisme, et pour les femmes, c'est en Europe que l'on compte le plus grand nombre de fumeuses. La lutte anti-tabac fonctionne, mais l'OMS évoque un succès fragile face au lobby puissant de l'industrie du tabac. En bref toujours, une étude parue dans la revue Nature Communications décrit une nouvelle méthode pour recycler les batteries lithium-ion de façon durable. Oui, de façon durable et plus économique. Les batteries lithium-ion contiennent du cobalt et du nickel, des métaux précieux qui se font de plus en plus rares dans la croûte terrestre. Mais le recyclage des batteries électrochimiques coûte cher. Cette équipe américaine a conçu une méthode pour séparer ces deux éléments les uns des autres dans des batteries usagées. Les chercheurs ont développé un électrolyte liquide. À partir des électrodes de batterie, ils ont réussi à extraire des formes pures de cobalt et de nickel avec une pureté de 96 et de 94%. Cette récupération électrochimique du cobalt et du nickel se passe à basse température, elle est faible en énergie et sans déchets toxiques. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Icarus, les lunes d'Uranus peuvent contenir des océans souterrains. Oui, c'est théoriquement possible. Deux chercheurs américains ont utilisé un modèle d'évolution thermique pour évaluer s'il pouvait y avoir des océans souterrains sur les lunes Titania et Oberon. Alors, selon leurs calculs, les croûtes gelées de ces lunes peuvent dissimuler de l'eau liquide. La chaleur de la désintégration des éléments radioactifs dans leurs noyaux pourrait maintenir de l'eau à l'état liquide, mais seulement si l'eau est riche en ammoniac et si la coquille de glace n'est pas trop poreuse pour limiter la perte de chaleur. Et il se pourrait que ces conditions soient bien réunies. Les chercheurs militent pour de futures missions d'exploration des satellites d'Uranus. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Nous allons nous atteler aujourd'hui à la notion de point de bascule climatique, une notion complexe à plusieurs titres, aussi bien du point de vue de sa modélisation que de sa médiatisation, ou encore de l'anticipation du moment exact auquel peut être franchi un point de bascule. Mais avant de nous plonger dans ces points de bascule avec nos invités Julie Dehaye et Jean Jouzel, et puisque la COP26 s'est achevée il y a quelques jours, j'aimerais vous poser la question suivante à tous les deux qui êtes spécialistes de questions climatiques. Julie Dehaye, par exemple, qu'est-ce que vous retenez de cette conférence sur le climat à Glasgow ? Je ne vais pas refaire toute l'histoire de la COP26. Moi, je retiens de la frustration parce que les scientifiques alertent, disent le changement climatique qui est en train de se produire et les engagements ne sont pas à la hauteur de ce que nous, scientifiques, on sait qu'il est nécessaire pour limiter, diminuer, atténuer les effets du changement climatique sur nos écosystèmes, et donc y compris celui dans lequel on s'épanouit, et qu'il est urgent de prendre la mesure de la catastrophe vers laquelle on court, et que malheureusement on a l'impression qu'on y court encore plus vite alors qu'on devrait s'arrêter de courir et changer de direction. Mmh. Jean Jouzel, même question, qu'est-ce que vous retenez de cette COP26? Julie Dehaye parlait à l'instant de l'urgence. L'urgence climatique est un terme qui n'a même pas été retenu dans les conclusions de cette COP-là. Qu'est-ce que vous, ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en pensez de cette conclusion-là? Donc, je reviens tout juste de Glasgow, hein, ce week-end, évidemment. Voilà, j'étais avec la délégation française, ça fait la 20e COP à laquelle je participe depuis 2001. Effectivement, alors, je partage avec Julie le sentiment de frustration, mais allez, j'aime bien être un peu positif par rapport à, justement, au thème de notre discussion aujourd'hui. Moi, ce qui m'a marqué quand même, c'est la crédibilité accordée au message des scientifiques. Au récent rapport du GIEC, et par exemple, l'exemple que je donne, c'est que à Paris, nous discutions essentiellement de cette limite du réchauffement climatique à 2 degrés par rapport aux plans industriels. Et depuis le rapport 1.5, depuis le rapport du GIEC 2018, eh bien, dans les couloirs, la seule limite qui était citée, c'était 1,5 degré. C'est quand même important aussi. Donc, bien sûr, je partage la frustration de Julie. Bien sûr, on n'a pas fait grand-chose, mais déjà, je pense que c'est quand même, il faut aussi prendre cette conscience de la crédibilité, peut-être pour la première fois accordée aux scientifiques, justement parce que le réchauffement climatique est là. Et bien sûr, c'est trop tard, probablement, mais c'est peut-être un point positif que j'aimerais retenir. Pas de point de bascule politique, si on reprend un petit peu le terme de notre émission, mais en tout cas, une place plus grande accordée au discours scientifique. On va y venir à ce sujet qui va nous occuper pendant toute cette heure. Julie Dehaye, le point de bascule, c'est une notion qui a été posée quand, comment, par qui? À quoi ça correspond un point de bascule quand on parle de climat? En fait, on a toujours étudié les points de bascule. Mais on n'en parle que depuis assez récemment. Et pour moi, c'est un terme qui vient plutôt de la nécessité de dégager des priorités au niveau de la programmation, des grands projets qui doivent être financés, plutôt que l'intérêt des scientifiques eux-mêmes. Donc si on revient à ce qu'est le climat, c'est une superposition de phénomènes qui ont des caractéristiques quant à leur type de variabilité qui sont différentes. Certains ne changent pas. Ils sont constants, certains termes de l'équation ou des équations qui régissent le système climatique. Certains changent de manière linéaire. Donc linéaire, c'est quoi? C'est que quand on trace la courbe de l'évolution en fonction du temps, c'est une droite. Et puis certains, c'est pas une droite. Si par exemple on refait cette courbe-là, ça va être une parabole, par exemple, ou bien quelque chose de beaucoup plus chaotique. Tout ce qui n'est pas linéaire est non linéaire. Et en fait, il y a énormément d'effets non linéaires dans le climat. On a d'autres façons de les nommer. On peut parler d'effets de seuil, par exemple. Au-delà d'un certain seuil, on change de régime. On change de façon de varier. Donc en fait, les points de bascule, c'est tous ces points où visiblement, le régime principal, global, émergent, change, n'est plus le même. Les variations en fonction du temps s'accélèrent et on passe sur un autre mode de fonctionnement de la machine climatique. Il y en a toujours eu, on en a observé. L'étude des paléoclimats est essentielle pour justement travailler sur ces points de bascule, sur ces différents régimes, certains prenant le pas sur d'autres en fonction de la période. Moi, ce qui me perturbe un petit peu dans la définition de ces points de bascule, c'est que, à la fois pour nous scientifiques, c'est intéressant, ça fait référence à des histoires de statistiques, d'hypothèses qu'on peut faire ou pas, mais en même temps, au fond du fond, ça reste le climat. Et on l'a toujours fait, il n'y a rien de nouveau. Et il y a des points de bascule dans les simulations des modèles climatiques qui alimentent les rapports du GIEC, ils sont là, ils sont présents. Alors, est-ce qu'on peut améliorer la façon dont on les représente? Certainement, on a toujours une marge d'amélioration. Mais est-ce que ça impose de revisiter complètement ce qui est dans le rapport du GIEC? Non, certainement pas. Jean Jouzel, on parle là de points de bascule. Julie Dehaye évoquait les points de bascule qu'on a pu constater dans les climats du passé. On y reviendra bien sûr, puisque c'est l'une de vos spécialités. Si on en revient un petit peu à la définition des termes qui constituent ce concept de point de bascule, pourquoi est-ce que c'est un concept qui en soi n'est pas forcément évident à manœuvrer pour vous autres scientifiques, en tout cas d'un point de vue médiatique? Pourquoi c'est un concept qui est à la croisée des chemins et qui est un petit peu bâtard, entre guillemets? Oui, il est un petit peu bâtard parce que d'abord, je vais prendre le cas de l'élévation du niveau de la mer, il y a une irréversibilité. Disons, c'est irréversible, ça ne s'arrêtera pas. Mais par exemple, si on prend le cas du niveau de la mer, eh bien, on peut dire qu'à la fin du siècle, entre un réchauffement à 2 degrés et un réchauffement à 3 degrés, il y aura 15 cm ou 20 cm supplémentaires. Et puis tout d'un coup, entre 1 et 2 degrés de même, et puis tout d'un coup, eh bien, vous allez avoir 1 mètre supplémentaire. Parce que c'est ce qui est évoqué d'ailleurs dans le rapport du GIEC, il y a un risque par exemple d'une déstabilisation d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest. Donc il y a à la fois cette irréversibilité, c'est-à-dire ça nous emmène vers des niveaux de la mer qui vont toujours augmenter sur des siècles, voire des millénaires, et puis tout d'un coup il peut y avoir des changements plus rapides, beaucoup plus rapides, c'est-à-dire que la même augmentation de température va provoquer une élévation du niveau de la mer 3 ou 4 fois plus importante, c'est ce que Julie a très bien bien évoqué en parlant de phénomène non linéaire. Je prends un cas précis parce que c'est ce qui est, disons, c'est ce qu'on évoque pour l'élévation du niveau de la mer, ce risque, par exemple, d'instabilité d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest qui pourrait provoquer effectivement des élévations du niveau de la mer relativement rapides. C'est la raison pour laquelle, dans le rapport du GIEC, par exemple, alors on montre l'évolution linéaire en fonction de la température, c'est quasiment linéaire, c'est-à-dire à peu près 15 cm de plus par degré supplémentaire, et puis on voit, on arrive donc pas loin de 1 mètre à la fin du siècle pour un réchauffement de 4 à 5 degrés, disons le réchauffement, un scénario, un réchauffement qui ne serait pas maîtrisé en quelque sorte, et puis on dit aussi, une élévation du niveau de la mer d'1,50 m ou un peu plus n'est pas exclue parce qu'il y a un risque d'instabilité qui s'ajouterait d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest. Donc il peut y avoir les deux phénomènes et quelquefois c'est dur à expliquer, l'irréversibilité et le fait que par rapport à un changement donné de température ou d'autres variables climatiques, tout d'un coup, la réponse est 4-5 fois plus importante qu'elle ne l'était pour le degré précédent. Et c'est cela. Alors, on voit bien qu'il y a des seuils à partir d'un certain moment, on franchit ces seuils, tout d'un coup, ça s'accélère, le phénomène, dans ce cas-là, l'élévation du niveau de la mer. Donc, c'est un peu ça, et donc, c'est quelquefois compliqué, mais il y a beaucoup de phénomènes irréversibles, c'est aussi un problème sur lequel se superpose cette non-linéarité. On va bien évidemment creuser tout ça ensemble tout au long de cette heure. Julie Deshaies, si on revient à ce concept de point de bascule, ce qu'il y a d'important à expliquer, c'est aussi que on parle de point de bascule, de point de rupture, mais que les changements sont pas forcément abrupts, immédiats, qui peuvent se réaliser dans des durées et des délais assez longs. Oui, c'est la particularité du climat, c'est qu'il y a des changements qui se passent à toutes les échelles de temps en même temps. Donc ça, notre métier, à Jean et à moi, c'est de séparer dans ces changements qu'on observe, par exemple au jour le jour, qu'est-ce qui est d'un phénomène météorologique, qu'est-ce qui est d'un phénomène classique d'enchaînement des saisons, ou bien d'autres enchaînements de variabilité naturelle, et puis qu'est-ce qui est autre chose, et qu'est-ce qui est lié à d'autres mécanismes de variabilité dont on n'aurait pas suspecté encore l'existence, ou bien qu'est-ce qui est lié, malheureusement à l'heure actuelle c'est surtout ce qu'on voit, qu'est-ce qui est lié au changement du climat associé aux émissions des gaz à effet de serre. Je pense qu'il faut retenir dans ces points de bascule, c'est vraiment que malheureusement, 6 points de bascule ont franchi, Jean a utilisé plusieurs fois ce terme accélération. C'est bien ça qui va se produire. C'est à la fois l'accélération du changement climatique, mais donc l'accélération de la détérioration des écosystèmes, dont celui dans lequel on s'épanouit. Et ça, je pense qu'il faut surtout détruire l'idée reçue que peut-être on va passer un point de bascule qui va faire que finalement le changement climatique sera pas si grave. Non, pas du tout. Ça, c'est hyper important de le rappeler, c'est que le point de bascule n'est pas un horizon lointain qui nous permet de prendre encore notre temps. Ça c'est souvent, malheureusement, l'utilisation qui est faite politiquement de ce terme de point de bascule, c'est qu'on le pose comme un horizon et qu'on a encore un petit peu de marge, quoi. Non, je pense qu'on n'a plus de marge. Et ça, les scientifiques du GIEC le disent et le redisent. Chaque degré compte. Chaque gramme de gaz à effet de serre qui n'est pas relâché dans l'atmosphère compte. Et tout ça, c'est primordial. Et le plus on essaye de réduire le changement climatique d'aujourd'hui et de demain, le mieux c'est pour tout le monde. Maintenant, si on franchit un point de bascule, alors quand est-ce qu'on le saura ? La difficulté, c'est que, encore une fois, on est climatologue. La météorologie, c'est la science du temps qu'il fait. C'est aussi la science de ce qui se passe tout de suite du jour pour le lendemain. Il y a l'équivalent pour l'océanographie. Mais le climat, c'est autre chose. Donc, de base, le climat, c'est des choses qui sont un petit peu plus sur le temps long. Maintenant, comment on sait qu'un événement extrême qui survient, par exemple les événements d'inondation, de canicule, etc., on peut l'attribuer au changement climatique ? Mais c'est parce que, précisément dans notre méthode scientifique, on a un outil formidable qui sont ces modèles de climat. Et dans ces modèles de climat, c'est comme des machines virtuelles dans lesquelles on peut rejouer le match, entre guillemets. On peut revenir en arrière et se dire, et s'il n'y avait pas eu toutes ces émissions de gaz à effet de serre ? Et si on n'avait pas relâché tout ça dans l'atmosphère, qu'est-ce qui se serait passé ? Bon, voilà, clairement, on voit que des fréquences et des amplitudes d'événements extrêmes tels que celles qu'on observe maintenant ne font pas partie des possibles. Et bien justement, on va y revenir à ces climats du passé, ce sera tout de suite après ça. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On parle tout au long de cette heure, vous l'aurez compris, de point de bascule. Jean Jouzel, Julie Day évoquait à l'instant ce travail de climatologie et de compréhension du climat aussi bien actuel que futur, mais aussi du passé, c'est votre spécialité. Vous avez vous-même travaillé avec Claude Lorius, notamment sur ces calottes glaciaires, pour comprendre un petit peu les climats du passé. Est-ce que dans le passé, on a constaté ces fameux franchissements de points de bascule, ces fameux franchissements de seuils climatiques dont on parle aujourd'hui? Oui, pas tellement en Antarctique, mais en fait, les témoignages de points de bascule nous viennent plutôt, du Groenland. Et alors, le premier point de bascule, et c'est ce qui a donné naissance à cette notion, on parlait pas de tipping point dans les années 90, mais dans le deuxième rapport du GIEC, on a introduit, j'étais à cette conférence d'ailleurs, je crois que c'est moi qui ai proposé la notion de surprise climatique, qui est à peu près, la même chose. En gros, ce qu'on a constaté, j'étais sur le terrain au Groenland en 91-92, eh bien, on a constaté, et ça avait déjà été, subodoré par dans les enregistrements marins, eh bien qu'il y a eu dans le passé des variations climatiques rapides, ce qui a été une vraie surprise. Alors quand on parle de variations climatiques rapides, tout d'un coup, dans le passé, eh bien on a en fait 25 événements au cours de la dernière période glaciaire où les températures se sont mises à grimper très très rapidement, c'est-à-dire de l'ordre jusqu'à 15 degrés pendant quelques décennies. Des variations très rapides de quantité de précipitation, des variations extrêmement rapides de la circulation atmosphérique. Alors on reviendra peut-être avec Julie sur les mécanismes, puisque c'est l'océan et fait partie des coupables potentiels, hein, je dirais, c'est pas si simple que ça. Mais déjà un point de bascule là sur les températures, et ça a eu des conséquences jusque chez nous, c'est-à-dire que nos ancêtres, eh bien, ont vécu tout d'un coup avec des changements très rapides à l'échelle d'une génération pour eux, ou d'une dizaine d'années, des changements très rapides qu'ils ont eu probablement beaucoup de mal auxquels ils ont eu du mal à s'adapter. Un autre cas, et qui est aussi là qu'on retrouve dans les glaces, eh bien, dans les glaces et dans les données du passé, c'est des variations extrêmement rapides. Pendant la déglaciation, il y avait une énorme calotte glaciaire sur l'Amérique du Nord, sur le Canada, on appelle ça la calotte Laurentide. En fait, il y avait deux fois plus de glace au dernier maximum glaciaire qu'il n'y a actuellement en Antarctique. En Antarctique, c'est équivalent à grosso modo 60 mètres d'élévation du niveau de la mer si tout fondait. Il y avait à peu près, le niveau de la mer était 120 mètres en dessous de l'actuel, tout simplement parce que il y avait toute cette glace qui était accumulée sur le Canada. Il y a aussi une partie sur la Fennoscandie, la Scandinavie. La débâcle de ces glaces entre moins 20 000 ans et puis moins 10 000 ans ne s'est pas passée du tout de façon régulière. Il y a eu des variations très très rapides, donc ça s'est détaché probablement par bloc. Il y a eu des variations extrêmement rapides. Qu'est-ce que vous entendez par rapide en termes de durée et de temps? Là, ça peut être à l'échelle séculaire, ce qu'on appelle des événements comme le Jungfraujoch. Il y a eu des variations rapides d'élévation du niveau de la mer, vraiment à échéance plutôt séculaire, décadale, voire séculaire, on les enregistre. C'est vraiment quand on regarde l'élévation du niveau de la mer, ce n'est pas régulier entre moins 20 000 ans et actuellement. Donc on voit bien que ça ne s'est pas passé gentiment. D'abord, ce sont des données énormes. Ensuite, par exemple, on voit à 8200 ans, eh bien, un nouvel événement extrêmement rapide, mais là, un refroidissement lié au fait que, il y a eu d'énormes quantités d'eau douce, un lac glaciaire qui se forme dans la calotte glaciaire qui est en train de fondre, et donc il est fermé par un barrage de glace. Ce barrage de glace a cédé et d'énormes quantités d'eau douce sont arrivées dans l'océan et ont modifié la circulation océanique. Ce refroidissement très rapide, en une vingtaine d'années, il y a 8200 ans, qui est très très bien documenté. Donc, on a eu à la fois des réchauffements très rapides, des refroidissements rapides, des changements d'élévation du niveau de la mer, donc de la fonte des glaces extrêmement rapide. Ce n'est pas du tout linéaire dans le passé, et c'est à partir de ces constats qu'on a effectivement mis en avant, je le redis, dès les années 90, dans le deuxième rapport du GIEC, cette notion de surprise climatique. Et c'est un peu la même idée, je crois, que les tipping points, mais c'est quand même un peu, c'est un vocabulaire un peu différent. C'est vrai qu'on voit bien que quand on regarde le film le jour d'après, eh bien, beaucoup s'est construit au cours de autour de cette notion de surprise climatique. Et entre-temps, l'humanité s'est accessoirement invitée dans cette surprise climatique. Julie Dehaye, aujourd'hui, quels sont, à notre époque, les systèmes naturels qui sont surveillés de très près, comme le lait sur le feu, et qui pourraient nous conduire justement au franchissement d'un tipping point, d'un seuil climatique, qui pourrait nous conduire en tout cas à un changement de régime climatique? Alors, au risque de vous décevoir, c'est tous les éléments du système climatique qui sont surveillés comme le lait sur le feu. Il faut quand même le dire que la science du climat est une science jeune par rapport à d'autres sciences et qu'on bénéficie d'observations depuis peu de temps. Alors, peu de temps à l'échelle de quoi Jean a fait le début de sa carrière sur des observations de carottes glaciaires. Moi, les conditions dans les océans, je les manipule avec plaisir depuis les années 2000. Mmh. Parce qu'avant les années 2000, on avait très très peu d'informations sur combien de chaleur était stockée, par exemple, dans les océans. Les observations des courants marins, c'est aussi des choses qui sont très récentes. Donc, tout est observé, tout est scruté. Et tout est scruté pour comprendre tous les mécanismes du climat, y compris ces changements de régime, y compris ces non-linéarités. Il faut voir que comme d'autres sciences, de la physique, on essaye de compartimenter notre progression en utilisant un mot qui s'appelle l'ordre. L'ordre, c'est pas du tout pour dire c'est désordonné, mais c'est pour dire, bon, il y a des choses qui sont au premier ordre, le plus important, le prioritaire. Et puis après, on augmente progressivement en complexité pour essayer de voir si on peut refaire toute l'histoire, si on comprend tout le puzzle. Bon, ben maintenant, on est une science jeune, mais on progresse année après année, on peut envisager des phénomènes plus complexes, à la fois dans leur compréhension, aussi dans leur représentation de ces machines virtuelles que sont les modèles climatiques. Et donc on en vient maintenant en effet à pouvoir se poser la question de phénomènes très complexes parce que très petite échelle ou bien parce que appelant des connexions avec plein d'autres mécanismes. Donc oui, pour cela, il faut regarder ce qui se passe dans les océans, ce qui se passe dans la cryosphère, à la fois au pôle et la cryosphère aussi terrestre, aux moyennes latitudes, et puis ce qui se passe dans l'atmosphère. Et c'est tout ça qui est regardé en permanence. Oui, c'est nécessaire de continuer à le faire parce qu'on ne sait pas s'il y en a un, où est-ce que les précurseurs vont apparaître. Donc, faut pas croire qu'il y a un hotspot qu'on regarde en particulier, on regarde tout. C'était un petit peu le sens de ma question naïve, c'est qu'en fait, quand on pense zone particulièrement sensible, on va penser au pergélisol, on va penser à la calotte glaciaire, à la forêt amazonienne, comme des espèces de témoins privilégiés, en tout cas, de ces changements-là. Est-ce que c'est une erreur de penser comme ça? Est-ce qu'il faut toujours tout ramener à la globalité du système planétaire, terrestre? Ou bien est-ce que, quand même, ces systèmes-là, localisés régionalement, peuvent être des témoins privilégiés? Je répondrai un peu les deux, pas uniquement parce que je suis normande. Il faut regarder à l'échelle régionale partout. Parce qu'en fait, chaque région va avoir une dynamique propre, va avoir un impact particulier sur le climat. Et donc, par contre, il faut regarder en effet à l'échelle. On en est maintenant à regarder à l'échelle régionale, à l'échelle locale, pas uniquement pour les impacts, parce que c'est ça que la société nous demande, mais aussi parce que le niveau de complexité des phénomènes qu'on est en train d'appréhender dans cette science qui est la climatologie, on sait que ça se produit maintenant à l'échelle régionale. Jean Jouzel, vous souhaitez réagir? Oui, non. Bien sûr, je suis d'accord avec Julie. Il n'y a pas de domaine de région, et on voit bien dans le dernier rapport du GIEC, il y a un très beau tableau dans lequel on voit effectivement que pratiquement toutes les régions sont à risque par rapport à des changements. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des phénomènes assez spécifiques, par exemple aux régions polaires dans lesquelles auxquelles je suis pas mal intéressé. Hein. Donc, d'abord, bien sûr, la contribution des régions polaires aux des calottes glaciaires à l'élévation du niveau de la mer. Il y a deux éléments dans l'élévation du niveau de la mer, enfin deux grands éléments, c'est évidemment l'extension thermique des océans qui est assez régulière en moyenne, et puis l'élévation du niveau de la mer. Et là, c'est à la fois cette irréversibilité que j'ai mentionnée, mais aussi des problèmes de variation climatique rapide, de tipping point qui peut jouer. Mmh. Par exemple, le Groenland, c'est 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. On pense plutôt que si on dépasse 2-3 degrés, eh bien, le Groenland est appelé à fondre complètement à échéance plutôt millénaire, millénaire, de façon plutôt régulière. Mais ce n'est pas le cas de l'Antarctique de l'Ouest, de l'Antarctique, où il y a effectivement un double problème. Il y a le problème de l'Antarctique de l'Ouest qui est en dessous du niveau de la mer, qui peut effectivement être instable. Nos collègues américains, mettent vraiment l'accent sur cette possibilité d'instabilité de l'Antarctique de l'Ouest. L'Antarctique de l'Ouest, c'est 4 à 5 mètres d'élévation du niveau de la mer. glaciers. Il y a aussi, par exemple, il y a des plateformes de glace, ce qui n'est pas le cas autour du Groenland. Il y a des plateformes de glace qui bloquent l'écoulement de la glace. Et si ces plateformes de glace disparaissent, eh bien, y compris en partie de l'Est, l'écoulement de la glace serait plus rapide avec aussi des conséquences. Donc, c'est vraiment l'élévation du niveau de la mer à long terme, est à la fois, il y a ce sentiment d'irréversibilité, mais ce sentiment aussi, ça pourrait être un peu chaotique. Hein, donc, avec le dernier rapport du GIEC envisage effectivement, si nous laissions les températures, si nous ne maîtrisons pas suffisamment le réchauffement climatique, des élévations du niveau de la mer jusqu'à 20 mètres à échéance de 2000 ans. Et c'est ce qui est important, c'est que c'est ce que nous faisons, ce que nous démettrons au cours des prochaines décennies qui en décidera. On peut toujours penser, évidemment, dans 500 ans, moi, c'est pas mon problème, mais c'est maintenant que nous en décidons. Ça, donc, c'est un premier cas. D'autres cas dans les régions polaires, eh bien, disons que la forêt boréale est fragile à la fois. Donc, les feux de forêt, elles n'en repartent pas facilement. Et puis, il y a tous les problèmes de réchauffement qui peuvent aussi, disons, amener des maladies supplémentaires. Mmh. Donc, ce sont quand même des conséquences là aussi, puis bien sûr le permafrost, la fonte du permafrost, chaque année il y a un peu plus de couches actives, c'est-à-dire des couches qui font chaque été, et donc ce sont autant de disons d'épaisseurs qui dans laquelle la matière organique est restée disons peut ne pas avoir été décomposée depuis 20 000 ans depuis le dernier maximum glaciaire, et disons ça contribue à des émissions de méthane et de CO2. Là, j'insiste parce qu'il faut pas, disons, le problème, c'est que quand on regarde, par exemple, les émissions de méthane ou, disons, la fonte des permafrosts, disons, risque d'ajouter quelques dizaines de degrés, mais ce n'est peut-être pas, disons, ce que l'on entend quelquefois, vraiment une bombe à retardement. Oui. Donc, il ne faut pas non plus, le problème, et ce qui est clair dans ces régions, c'est que ce sont vraiment nos émissions qui sont largement supérieures et qui le resteront d'ailleurs largement supérieures à celles liées à la fonte du permafrost. D'une certaine façon, il ne faut pas parler du permafrost comme pour se dédouaner de nos propres responsabilités. C'est vrai, ce sont vraiment les émissions des gaz à effet de serre liées à nos activités qui dominent et qui domineront pratiquement, je crois, à très long terme, malheureusement, des émissions de gaz à effet de serre, même s'il y en a effectivement qui, ce phénomène d'amplification lié à la fonte du permafrost peut jouer un rôle. Alors bien sûr, on va revenir sur toutes ces notions d'irréversibilité, du rôle de l'humanité dans ces changements climatiques, de l'échelle de temps à laquelle on se projette, mais avant de poursuivre cette conversation autour des points de bascule, il est temps, comme chaque mercredi, de retrouver la recherche montre en main. Une recherche montre en main avec aujourd'hui Simon Touboul, bonjour. Bonjour. Vous soutiendrez votre thèse le 3 décembre prochain, une thèse réalisée en partenariat avec le laboratoire CERNA, laboratoire d'économie des mines Paris, université PSL, sous la direction de Mathieu Glachan. Votre thèse s'intitule « Innovation technologique et adaptation au changement climatique ». Nous vous écoutons. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour l'intérêt que vous et votre équipe portez à mes recherches et pour votre invitation à présenter ma thèse, qui, avec une approche économique du problème du changement climatique, va servir d'entracte un petit peu à cette passionnante discussion que nous avons avec vos deux invités depuis le début de l'émission. Donc, comme vous l'avez précisément dit, j'ai effectué ma thèse à l'École des Mines de Paris, une thèse en économie sous la direction de Mathieu Glachan, thèse qui s'intitule « Innovation technologique et adaptation au changement climatique ». Donc, la notion d'adaptation, cela ne nous a sûrement pas échappé, elle est de plus en plus présente dans les discussions autour de la crise climatique et elle prend notamment de plus en plus d'importance au fil des COP. Et pour cause, le dernier rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques mois montre déjà une augmentation d'environ 1 degré de la température à la surface de la Terre par rapport à l'ère pré-industrielle. Et les effets de ce degré d'augmentation est déjà observable. Donc on voit de plus en plus de feux de forêt, de sécheresses, d'inondations, d'événements extrêmes qui s'intensifient et se multiplient et qui appellent donc la nécessité de s'adapter au changement climatique actuel et à venir, ce changement climatique ne va cesser de s'amplifier. Et donc, ça veut dire que malgré les efforts dédiés à l'atténuation pour l'instant, donc qui est la diminution des émissions de CO2 dues à l'activité humaine, il est impossible de négliger la deuxième stratégie aujourd'hui dans la lutte contre le changement climatique, qui est l'adaptation. Et donc, cette adaptation, elle peut se faire, ou elle est facilitée, dirons-nous, par trois piliers. Le premier de ces piliers, c'est la connaissance, donc l'éducation des populations sur les outils et les solutions pour s'adapter, et le besoin de s'adapter à changement climatique, mais aussi évidemment la poursuite des recherches pour la création de connaissances, mieux comprendre les besoins d'adaptation locaux et aussi nationaux. Le deuxième point, c'est la finance, donc avec une question essentielle qui est qui et comment financer le surcoût lié à l'adaptation, avec la question de la solidarité internationale. Et enfin, les technologies, donc globalement la production et la dissémination de nouvelles technologies et l'usage in fine de ces technologies pour limiter l'impact du changement climatique. Et donc c'est sur ce troisième pilier c'est ce troisième pilier qui est ciblé dans ma thèse. Et donc, si on prend par exemple, donc ces technologies, quelles sont-elles? Si on prend les sécheresses, on va avoir des technologies qui sont des technologies d'irrigation plus performantes ou des graines résistantes à la sécheresse, par exemple. Et pour mesurer l'innovation et les nouvelles technologies, on utilise dans ma thèse des brevets qui ont l'avantage d'une part donc de bien décrire les technologies qu'ils protègent, et donc elles nous permettent d'identifier précisément ces technologies d'adaptation. Mais on a aussi beaucoup d'informations sur l'inventeur, donc le pays dans lequel est inventé ce brevet, et tous les pays dans lesquels il est disponible, enfin en tout cas dans lesquels il est déposé, et on se sert de ce dernier point comme un proxy pour la disponibilité des technologies dans tous les pays. Et donc, on utilise ces brevets autour de trois axes, donc trois questions de recherche que j'ai traitées dans ma thèse. La première, c'est l'évaluation de la pertinence des technologies comme solution pour s'adapter, comme pilier, si on veut, de l'adaptation. Et donc, on montre, sur l'exemple des tempêtes tropicales, que les nouvelles technologies sont en effet efficaces pour limiter les dégâts humains et matériels causés par ces événements. Le deuxième axe, c'est la description de la dynamique de l'innovation dans les technologies d'adaptation, et aussi de la géographie de ces inventions et de ces transferts en technologies d'adaptation dans le monde entier. Et donc, ce qu'on montre, c'est que malgré l'utilité des technologies, le constat est plus inquiétant. On n'a pas d'innovation dans les technologies d'adaptation, ou en tout cas pas une innovation plus forte que dans les technologies en général, pas d'effort d'aider à l'adaptation. Et cette innovation est très concentrée dans les pays riches et peu transférée malheureusement vers les pays en voie de développement, qui sont ceux qui sont les plus menacés. Donc on a un écart, une inadéquation, si on veut, entre les besoins des pays en termes d'adaptation et la disponibilité des technologies. Et donc, pour essayer d'analyser un peu plus finement cet écart, on a aussi regardé la réaction des pays et des entreprises aux événements climatiques extrêmes. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est que les pays qui sont affectés par des événements climatiques extrêmes réagissent assez peu. Donc, ils produisent, ils inventent peu de nouvelles technologies et les transfèrent assez peu aux pays affectés. Et surtout, l'un des gros points noirs de cette thèse, c'est qu'il n'y a pas de redirection pour l'instant de l'effort d'innovation et des capacités d'innovation vers les technologies d'adaptation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Simon Touboul, on vous souhaite une bonne soutenance de thèse, on vous souhaite bon courage. Une réaction à ce que vous venez d'entendre et à ce travail de thèse, Julie Dehaye. Et je serais vraiment curieuse d'en apprendre plus. Je préfère commenter, non pas sur le fond, mais sur la forme. Il faut savoir qu'un thésard en fin de thèse, c'est lui le spécialiste mondial en général sur le sujet de cette thèse. Donc je vais surtout me garder de commenter scientifiquement sur le fond, parce que j'aimerais d'abord apprendre de cette thèse, et ensuite je serais ravie d'en discuter avec le thésard. On vous mettra en contact. On va faire une petite respiration, et puis on va retourner à notre sujet du jour, les points de bascule climatiques. Terre que nous tenions, les corps à l'abandon, des cajons. Goudron Parnell dans La méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure des points de bascule climatique et nous en parlons avec Julie Dehay, océanographe, physicienne, chercheuse CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Nous sommes également en ligne avec Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, directeur de recherche émérite au CEA, ancien vice-président du conseil scientifique du GIEC et co-auteur récemment avec Baptiste Denis du livre Climat, parlons vrai aux éditions Les Pérégrines. Nous en arrivons à présent au reportage du jour. Parmi les points de bascule pouvant modifier le climat, il y a l'AMOC, soit la circulation méridienne du retournement de l'Atlantique. Bonjour Céline Ozen. Bonjour Antoine. Vous êtes allé au laboratoire L'Océan de Sorbonne Université pour comprendre comment on étudie les conséquences de sa potentielle altération. Et oui, l'AMOC est une composante essentielle dans l'équilibre du climat. Par sa dynamique, il agit un peu comme un thermostat, mais alors quelles seraient les conséquences s'il venait à s'affaiblir à cause du réchauffement global? Francis Caudron, professeur à Sorbonne Université, a étudié la question en passant, comme souvent, par la modélisation. À partir des équations de la dynamique des fluides et en jouant sur des paramètres tels que la hausse des températures ou la stabilité de la MOC, on peut générer différents scénarios climatiques en espérant que cela puisse donner des indicateurs pour la préservation du climat. En fait, c'est des modèles numériques qui sont un peu semblables aux modèles de prévision du temps ou qu'on utilise pour étudier le climat futur. C'est-à-dire qu'on résout numériquement les équations de la dynamique des fluides et de la physique pour l'atmosphère et pour l'océan sur des grandes échelles de temps. Et après, l'avantage, c'est qu'on peut faire c'est comme des expériences qu'on ne peut pas faire en vrai. C'est-à-dire qu'on peut artificiellement changer certains paramètres. Donc ça peut être des paramètres externes, comme la quantité de gaz à effet de serre, par exemple. Où ça peut être, c'est changer artificiellement les courants dans l'Atlantique Nord pour imposer une AMOC intense ou une AMOC au contraire faible. Et donc voir par exemple les impacts que ça pouvait entraîner. Alors, sur quelles variables on joue justement? Sur la hausse des températures, vous avez dit sur l'effet de serre. Alors là, on a joué directement sur les courants en fait. On a d'autres expériences plus classiques où on joue simplement sur les gaz à effet de serre pour voir le scénario futur, ou d'autres où on fait exprès de fondre la glace, la banquise arctique par exemple, en imposant un peu de chauffage à l'intérieur, ou des choses comme ça. Et donc là, sur votre écran, on a différentes cartographies qui donnent probablement les résultats de ces différentes simulations. Voilà, donc ça c'est des exemples de cartes où on compare deux simulations avec une AMOC forte ou une AMOC faible. Donc là on a fait une première étude où en fait on a une simulation de 2000 ans avec un climat stable et on regarde les fluctuations de l'AMOC donc naturelle. Et ensuite on a fait une deuxième étude où on a au contraire imposé les courants pour maintenir une phase forte ou une phase faible de l'AMOC. Donc soit dans un cas où on fait ça que dans l'Atlantique Nord et on laisse le reste des courants dans les autres bassins océaniques réagir, ou alors où on bloque tous les courants partout, et donc on impose la phase forte dans l'Atlantique Nord. Et on voit que dans ce deuxième cas, en fait, on a un impact beaucoup plus fort. Et la raison, c'est que les autres bassins océaniques ne peuvent pas compenser ce transport de chaleur qui est effectué dans l'Atlantique Nord. Alors que dans le cas où on les laisse réagir, entre guillemets, ils vont transporter de la chaleur vers le sud. Et donc on aura moins de réponses par l'atmosphère, en fait. Quand on parle de densité de différence de température, on est à combien de delta de température? Donc c'est de l'ordre de 1 degré, 1, 2 degrés peut-être maximum dans les régions de l'Atlantique Nord. Mais dans le cadre du changement climatique, il faut faire attention que ça se rajoute à un réchauffement global qui est plutôt plus fort. Donc ça vient moduler l'impact du changement climatique. Après, ça c'est les fluctuations naturelles. Dans le cas glaciaire où vous avez la MOC qui s'arrête presque complètement, vous avez plutôt des fluctuations évidemment qui sont plus grandes, 4-5 degrés de différence, etc., dû à ça. Ça, c'est vraiment un cas extrême, là. Ouais. Si on part de l'hypothèse que l'AMOC venait à s'éroder de manière à être très très faible, quelles seraient les conséquences vraiment au niveau des précipitations, comme on l'a vu, ou même du climat, de l'atmosphère? Il y a eu des fois où on injecte massivement de l'eau douce, par exemple, dans l'Atlantique Nord, pour arrêter complètement l'AMOC, et on voit le même genre de conséquences, c'est-à-dire qu'un refroidissement local et puis un déplacement des zones de précipitation vers l'hémisphère sud, et moins au nord dans les cas d'AMOC faible, comme au temps glaciaire, par exemple. Alors attention, pareil, que si on a vraiment un affaiblissement très fort de la MOC, ça va être dû à un fort réchauffement à cause du changement climatique. Donc c'est un phénomène qui s'auto-alimente. Voilà, donc le refroidissement, il va en fait compenser en partie le réchauffement lié au changement climatique, pas l'annuler. On ne s'attend pas à un âge glaciaire en Europe dans le futur. Hein. Et ce qui est important aussi, c'est au niveau des précipitations. Ce qu'on observe avec une amoc plus intense, c'est un déplacement général des précipitations vers le nord, dans toutes les régions tropicales en fait. Donc dans l'Atlantique, la mousson africaine qui devient plus intense, la mousson indienne pareil, et des choses autour d'El Niño dans le Pacifique. Et on a le contraire pour une amoc plus faible, avec un déplacement vers le sud des précipitations et un affaiblissement des circulations de mousson, typiquement. Pour comprendre bien le lien entre cette circulation plus ou moins altérée et le niveau de précipitation, qu'est-ce qui permet d'établir ce lien de corrélation ? Et en fait, donc, la MOC, quand elle est plus forte, elle va transporter plus d'énergie, plus de chaleur de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. Et donc, en compensation, en fait, l'atmosphère va compenser en partie et la circulation atmosphérique va transporter plus d'énergie vers le sud, y compris dans les tropiques, et c'est ça qui va amener à un changement des régimes de précipitation. Donc en partie dans l'atmosphère, et ce qu'on observe, c'est qu'au bout d'un certain temps, on a aussi la circulation océanique, mais dans l'océan Pacifique et l'océan Indien cette fois, qui va en partie compenser cet excès de transport vers le nord dans l'Atlantique. Donc tout le système de circulation océan-atmosphère va se réajuster un petit peu, avec des conséquences globales. Donc ce genre de choses, donc, ça permet de mieux comprendre un peu les impacts de fluctuations de la MOC. Donc c'est important d'une part parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un ralentissement de la MOC induit par le changement climatique dans le futur. Donc ça permet d'estimer un peu les effets que ça va avoir à côté des effets du changement climatique lui-même. Et puis d'autre part, alors il y a des espoirs que ces fluctuations lentes, naturelles, soient en partie prévisibles. Et donc peut-être avec des effets partiellement de prévisibilité du climat à l'échelle décennale ou autre, de certaines choses comme ces changements de précipitation, etc. Si on pouvait avoir une idée des fluctuations à 10 ans ou 20 ans, ça pourrait aider. Voilà pour ce reportage au laboratoire L'Océan. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Jean Jouzel ? Oui, donc une réaction, donc en fait c'est bien ce qu'on observe dans le passé, comme l'a dit Francis Caudron, hein, quand on a ces changements rapides, alors qu'ils sont assez spécifiques de l'Atlantique Nord et des régions adjacentes, on en perçoit les conséquences jusque dans le rythme des moussons, c'est-à-dire que ces variations rapides qui sont très bien enregistrées dans les glaces du Groenland le sont également dans des spéléothèmes, en Chine et qui montre des rythmes de changement de précipitation. Donc, ce que disait effectivement, ces changements rapides qu'on a observés dans le passé ne se limitent pas à ce qui passe dans l'Atlantique Nord. Ils se répandent sur l'ensemble de l'hémisphère nord, un peu moins sur l'hémisphère sud. Voilà un petit peu, c'est extrêmement intéressant, effectivement, parce que on a toujours quand même beaucoup de mal à comprendre, disons, comment ces variations climatiques rapides se mettent en place. Et c'est une combinaison, effectivement, je crois que Francis Caudron l'a bien dit, il y a des changements de circulation océanique auxquels sont associés également des changements de circulation atmosphérique. C'est l'ensemble des deux qu'il faut, je crois, prendre en compte. Mmh. Julie Déhay, une réaction à ce reportage qui était fait dans votre laboratoire ? Tout à fait. C'est pas parce que Francis est un collègue, mais je suis tout à fait d'accord avec la manière dont il décrit le rôle de la MOC. Je pense que peut-être une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est la difficulté que nous, on a climatologues, de transposer des connaissances qu'on a acquises en faisant certains présupposés statistiques, notamment de stationnarité du climat, et de les emmener ensuite dans l'état actuel du climat, qui est un état transitoire. Le climat change. Et dans quelle mesure le changement de climat actuel rend caduque ou pas les conclusions qu'on tire d'études où le climat est stationnaire et où artificiellement on va augmenter ou diminuer la MOC, ça c'est un vrai point d'étude. Pendant longtemps, on a cru qu'on pouvait séparer les différentes échelles de temps des différents mécanismes qui se superposaient dans le climat. Je vous le disais tout à l'heure, heureusement, on progresse. Et maintenant, on sait que cette séparation, elle est complètement artificielle. Et malheureusement, on doit s'attacher à comprendre les cascades d'énergie directe et inverse, c'est-à-dire, grosso modo, comment des grandes échelles ou les basses fréquences du climat influencent les toutes petites échelles et inversement. Et c'est ça qui pose de vrais verrous technologiques, techniques, méthodologiques, et auxquels on s'attache de travailler en ce moment. Comment vous les faites sauter, ces verrous? Qu'est-ce qui vous manque pour affiner ces modèles-là et comment ils ont évolué en bien ces derniers temps, ces dernières années? Alors clairement, on essaye, donc en l'occurrence là, on parle de la modélisation du climat, donc il faut revenir à la base. Les équations, on les connaît depuis longtemps, elles sont pas discutées. Par contre, elles sont tellement complexes qu'il faut passer par certaines hypothèses, certaines approximations, et puis par un formalisme mathématique d'abord, et puis computationnel, informatique, pour pouvoir les résoudre. Parce que si jamais on en prend une version très très très simplifiée, alors un papier, un crayon suffisent à les résoudre, mais ça va pas nous donner une information très utile pour les sociétés humaines. Donc pour les résoudre, on doit passer par un langage informatique, l'informatique qui connaît des 1 et des 0. Donc il faut traduire tout ça. Et à chaque étape de construction de ces modèles climatiques, il y a des hypothèses qu'on fait, et ces hypothèses, il faut les remettre en question. Maintenant, à l'heure actuelle, on est face à un objectif, une motivation d'augmenter ces modèles en complexité et en résolution. En complexité, c'est-à-dire on veut représenter de plus en plus de processus, de plus en plus complexes, éventuellement qui interagissent les uns avec les autres. Mais la montée en résolution aussi à laquelle on doit faire face, c'est d'abord pour répondre aux besoins sociétals. Les gens ne veulent pas savoir quel est le climat du futur à l'échelle globale. Mmh. Ils veulent savoir le climat du futur dans leur région. Chez eux. Ils veulent pas la hausse du montée du niveau de la mer globale, dont parlait les gens tout à l'heure. Ils veulent qu'est-ce qui va se passer dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et ça, cette augmentation en résolution spatiale, donc là dont je parlais, mais aussi temporelle, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans le climat futur à l'échelle d'un mois ou l'autre. Ça, en fait, nous oblige à avoir des modèles plus lourds à faire tourner sur nos ordinateurs, des machines virtuelles qui prennent plus de place, et donc qu'on peut intégrer sur des plus courtes échelles de temps. Or, Jean l'a dit tout à l'heure, les exemples de points de bascule, ils sont dans le paléoclimat, ils sont dans le passé, et c'est pas hier, c'est bien avant. Donc en fait, c'est difficile de trouver le juste accord ou la façon à la fois d'avoir cette augmentation de complexité et cette augmentation de résolution, tout en gardant un outil facilement utilisable pour qu'on puisse le valider, ou du moins l'évaluer, par rapport aux observations qu'on a des points de bascule, qui sont dans le passé relativement lointain. Une question qui va sans doute vous paraître un petit peu naïve, Jean Jouzel, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les outils que vient de décrire Julie Dehaye de modélisation climatique, on peut prédire le franchissement d'un seuil, le franchissement d'un point de bascule? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, voilà, avec une précision accrue, qu'à telle date, on pourra dire qu'on a franchi un point de bascule à un endroit donné? Non, ce qu'on peut dire actuellement, c'est que à mesure que l'on s'éloigne des 2 degrés, à mesure que la température augmente, eh bien, on prend des risques sur les points de bascule. On prend des, c'est quasiment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire si on va vers des températures de 5 degrés, qui étaient plus de 5 degrés, qui se maintiendraient assez longtemps, eh bien, je crois qu'on perdra de façon irrémédiable l'Antarctique de l'Ouest et on va vers des élévations du niveau de la mer très importantes. On voit bien pour la fonte du Groenland, on sait qu'au-delà de 3 degrés, eh bien, le Groenland va commencer à fondre. C'est pas un point de bascule, c'est vraiment quelque chose d'irréversible. Alors, là aussi, pour le permafrost, c'est assez régulier en fonction de la température. Il y a des régions où il peut y avoir plus ou moins de matière organique enfermée. Donc, il peut y avoir des surprises également. Donc, c'est toujours très difficile, mais le message principal, c'est que plus on s'éloigne de la zone dans laquelle nous sommes, dans la zone d'une certaine sécurité, hein, on parle de 1,5, eh bien, plus on prend des risques d'avoir des points de bascule et des phénomènes dont on ne pressent pas d'ailleurs l'amplitude, forcément. Donc, c'est un peu ça le message, mais il n'y a pas vraiment, on peut quand même citer un exemple qui est là aussi, Le rapport 1.5 nous dit par exemple que les récifs coralliens seront tous affectés, pratiquement 99% au-delà de 2 degrés. Donc c'est quand même ça, il y a aussi la nature qui est très, disons, qui est extrêmement sensible à ces, la biodiversité dans ce cas-là liée aux récifs coralliens. Donc il y a par exemple des chiffres sur les récifs coralliens, ces 2 degrés seraient une par rapport aux récifs coralliens et à leur devenir est vraiment une limite à ne pas franchir. Voilà un exemple où il y a quand même des estimations d'une certaine façon. Julie Dehaye, on est donc déjà en train de franchir doucement mais sûrement des points de bascule, ou est-ce qu'on en a déjà franchi un au Groenland par exemple? Je lisais en préparant cette émission une interview d'un océanographe qui s'appelle Xavier Capet, qui disait qu'on l'a peut-être déjà franchi le point de bascule du Groenland. Tout à fait, et c'est fort possible. Mais on ne le saura pas demain, ni après-demain. Il faut voir que, c'était le sujet du début de l'émission, cette terminologie point de bascule, elle est vraiment artificielle. Bon, elle est là pour dire qu'il y a plusieurs phénomènes qui se passent à plusieurs échelles de temps et que le rythme auquel le changement se produit maintenant, c'est possible qu'il change. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les modèles du climat qui informent le rapport du GIEC? La MOC s'effondre. Donc, ce dont parlait Francis dans l'interview. Alors, est-ce que c'est lié à la fonte du Groenland ou pas? Ça, c'est pour moi encore discutable, mais finalement, peu importe. Oui, tous les modèles du climat qui projettent ce qui va se passer dans 50 ans, dans 100 ans, montrent que la MOC va s'effondrer. Alors, certains, c'est après-demain, certains, c'est un peu plus tard, mais en fait, peu importe. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que dans ces modèles-là, cette transition, elle est en effet assez linéaire, parce que par construction, ces modèles, à l'heure actuelle, sont contraints pour finalement être assez conservateurs, entre guillemets, c'est-à-dire reproduire le climat actuel avec le plus de fidélité possible et sans trop s'en écarter. Si jamais tout de suite on soumet au projet CEMIP d'intercomparaison de modèles, un modèle qui fait complètement autre chose que ses petits copains, malheureusement, il va être un peu considéré comme un outlier. Et on va plutôt c'est-à-dire de trop différent, qui colle pas suffisamment par rapport à ce qu'on observe actuellement, et donc on va le laisser de côté, on va moins regarder ce qu'il donne. Ça, c'est propre à l'exercice, donc ce qu'on appelle CEMIP, d'intercomparaison de modèles du climat pour les projections du climat futur, qui est finalement de faire la moyenne de tous les modèles pour donner cette tendance. Il y a d'autres outils pour étudier le climat, et en particulier des modèles de complexité différente, de complexité intermédiaire, on en parle, des modèles qui vont s'attacher à vraiment regarder pour le coup un point de bascule particulier. Et ces modèles-là sont très intéressants parce que eux sont capables, par construction, de reproduire beaucoup plus des phénomènes non linéaires, des sauts abrupts, des changements de régime dans un sens et dans l'autre. Est-ce qu'ils représentent plus finalement le climat actuel? Ça dépend de quoi on regarde. Est-ce qu'il représente bien les 10 dernières années? Non. Mais par contre, bien le paléoclimat, les 100 ou les 100 000 dernières années, oui, ils sont adaptés pour ça. Et pour moi, notre challenge maintenant à nous, modélateurs du climat, c'est peut-être de plus faire fonctionner main dans la main toute cette hiérarchie de modèles, et de aussi faire comprendre à l'opinion publique qu'il y a certains modèles pour étudier les tipping points, les points de rupture, et qu'il y en a d'autres pour projeter le climat dans 30 ans et pour projeter l'importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que dans ces cas-là, on va pouvoir atteindre une cible qu'on s'est fixée au détour des COP. Mais ces deux outils qui sont différents, qui sont pas du tout en contradiction, qui sont en complémentarité, c'est vrai, je pense qu'on peut progresser à les faire encore mieux travailler main dans la main. Georges Houzel, pour conclure cette émission, vous souhaitiez réagir, je crois. Oui, non, simplement dire, effectivement, la modélisation est très importante, mais on voit bien la richesse aussi, et quand on se tourne vers le passé, de la comparaison, disons, de la capacité de ces modèles à reproduire ou non ce que l'on a observé dans le passé, puisqu'on l'a dit, vraiment, il y a eu ces tipping points dans le passé, ces changements rapides, et c'est important de continuer à essayer d'en comprendre les mécanismes, donc c'est vraiment... redire que les recherches, bien sûr, ces mêmes modèles que Julie a évoqués sont aussi utilisés, d'ailleurs à l'Institut Persimmon-Laplace également, pour regarder ce qui se passe dans le passé. Mais on comprend bien, je crois, à travers ces discussions que nous avons eues autour des tipping points, l'intérêt de regarder dans le passé, d'essayer de bien comprendre ces variations climatiques rapides, aussi bien en termes d'élévation du niveau de la mer, de rythme, de précipitation, ou bien évidemment de température, de changements rapides de température, des changements de 15 degrés en une dizaine d'années, en une vingtaine d'années, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer. Et il est important de continuer, je crois, aussi à travailler sur les données du passé pour comprendre cette mécanique complexe des changements climatiques. Ça nous comprendre le présent et le futur, bien sûr, et on va garder aussi les yeux ouverts et rappeler que voilà, il y a... Certes, la parole scientifique qu'il faut entendre, mais il y a aussi un changement à réaliser. Il faut entendre cette parole des scientifiques. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Julie Dehaye, Jean Jouzet, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. À la réalisation aujourd'hui, Olivier Bétard, à la technique, Audrey Guélil. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.